Salut. On se retrouve pour conclure la première partie du chapitre sur les premières collectes de musique par des chercheurs et des scientifiques aux États-Unis. Cette première partie traitait des anthropologues spécialistes de musique amérindienne, et en particulier de l'équipe d'Alice Fletcher, Francis Laflèche et John Fillmore. On conclut cette partie avec une brève réflexion sur les musiques amérindiennes et le statut d'American folk music. Donc, est-ce que les musiques amérindiennes collectées par ces spécialistes sont alors considérées par eux comme de la musique du peuple américain ou non? Ça va être assez court et puis ensuite on va écouter un peu de musique. Alors, on a vu que les musiques Omaha collectées par l'équipe de Fletcher seront amplement utilisées dans les années 1900, notamment par le compositeur Arthur Farwell, comme base pour l'invention d'une musique classique américaine. Mais est-ce que Fletcher et ses collègues envisagent leur objet d'étude comme un élément qui serait constitutif de l'américanité, donc de l'identité culturelle américaine ? Autrement dit, considère-t-il la musique Omaha comme de la folk musique américaine? Pour Fletcher, les musiques des Amérindiens renvoient avant tout à ce qu'elle appelle la nature primordiale, mais également aux forêts natives où, je la cite, hein, ces chants instinctifs ont trouvé naissance. Voilà ce qu'elle écrit. « Je souhaiterais que les Américains se soucient de leur propre pays. Ils ne s'en soucient que très peu. Nous sommes tous des immigrants. Je l'ai ressenti très fortement lorsque je me tenais parmi les Indiens pour la première fois et que j'ai réellement inspiré librement et vraiment la conscience que l'Américain existe. » Si Fletcher met en relation la nécessité d'étudier les cultures amérindiennes avec celle de construire une conscience nationale, la musique des premiers Amérindiens n'est jamais qualifiée sous sa plume de folk musique américaine, ni même de musique américaine. Fillmore, le musicologue, espère quant à lui que les musiques des Omaha seront réinterprétées par des orchestres, à même de corriger, je le cite, « les déficiences de la performance indienne » et de rendre encore plus saillante leur beauté naturelle. Les enquêtes de terrain sur les musiques amérindiennes prennent leur essor à un moment où la perception de la rapide évolution des moyens de communication, les progrès de l'industrie et du machinisme, le triomphe du rationalisme et l'expansion coloniale s'accompagnent aussi de craintes et de sentiments nostalgiques pour un passé imaginé plus simple et serein. Le stéréotype du noble sauvage, projeté sur les Amérindiens, fait écho à ces inquiétudes et au rejet des mots associés à la surcivilisation. Décadence urbaine, recul de la moralité et perte des repères culturels de la société traditionnelle de type agrarien. Les Amérindiens sont cependant perçus comme trop primitifs et exotiques pour que leur musique puisse incarner les origines culturelles de la société américaine moderne. Dans les prochaines partie de ce chapitre, on se demandera ce qu'il en est des autres populations dont les musiques ont été collectées par les savants à partir du tournant du XXe siècle. Donc la prochaine partie sera consacrée aux musiques des Afro-Américains. Alors pour conclure sur cette partie sur les Amérindiens, je vous propose de revenir sur les travaux de composition d'Arthur Farwell, donc ce compositeur dont on avait parlé dans le premier chapitre, qui a largement utilisé les musiques Omaha collectées par Fletcher, Laflèche et Fillmore pour essayer de composer une musique américaine, une musique classique américaine. Donc je vous propose d'écouter une composition qu'il a faite qui date de 1906 qui s'appelle Impression of the Wawan Ceremony, Song of Peace, opus 21. Donc ce sont des impressions sur la cérémonie du calumet de la paix. Et donc cette partie-là qu'on va écouter s'appelle le chant de la paix. Et puis ensuite, pour mettre en miroir, on écoutera un extrait d'une cérémonie du calumet de la paix qu'avaient enregistré Alice Fletcher et Francis Laflèche. Donc voici la composition d'Arthur Farwell. Thank you. Et donc maintenant, on va écouter le chant de l'approche du calumet, qui a été collecté le 18 janvier 1896 dans le Nebraska, donc par Francis Laflèche et Alice Fletcher. Combo qualité d'écoute, de qualité du son de l'ordinateur, qualité du son de l'enregistreur, qualité du son de la copie numérique du cylindre, plus mon téléphone qui sonne derrière, c'est pas terrible. Mais je mettrai le lien pour réécouter ces pistes directement sur internet. Voilà, à la prochaine!